Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 578 sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles, le mercredi entre 20h et 22h. L'album de la semaine, c'est l'album de Paul McCartney, Tug of War, sorti en 1982. On écoutera 6 extraits, par exemple Tug of War, évidemment. Il y aura également Take It Away, Somebody Who Cares, il y aura Ballroom Dancing, Wanderlust, What's That You're Doing avec Stevie Wonder, et Ebony and Ivory également avec Stevie Wonder. Mais il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles, avec pour Lennon I Found Out sur Plastic Ono Band en 1970. On écoutera George Harrison nous chanter Behind That Locked Door sur All Things Must Pass, 1970 aussi. C'est une chanson plutôt country et que nous retrouverons dans le même style avec Ringo Starr et Bo Coops of Blues sur l'album du même nom, Bo Coops of Blues. Quant aux Beatles, le premier Beatles sera Love Me Do, mais le mix tout simplement, 2023. Bref, je vous propose de nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four et je vous souhaite une très très très très bonne soirée sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. Le mercredi soir, c'est vraiment la soirée Beatles sur RIG. Bonne soirée, l'album de la semaine, c'est Tug of War. It's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outdo each other in a tug of war. Stand on top of the mountain with our flag unfurled. In a time to come. In a time to come, we will be dancing to the beat played on a different drum. It's a tug of war. It's a tug of war. But I can't let go. If I do, you'll take a tumble, and the whole thing is gonna crumble. It's a tug of war. In years to come, what the air we breathe and the life we lead are all about. But it won't be soon enough. Soon enough for me. No, it won't be soon enough. Soon enough for me. We'll be right back. tas de voix. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outscore each other in a tug of war. Premier album solo de John Lennon en 1970, Plastic Ono Band. Il y avait sur cet album solo, il y avait George Harrison qui était présent, et également Ringo Starr, donc trois quarts des Beatles sur cet album-là, et notamment la batterie complètement battement de cœur sur cette chanson que vous venez d'entendre, et bien c'est signé Ringo Starr. Are you still crying? Your pain is now through.

love me do. Est sorti en octobre 1962, donc il y a déjà 60 ans passés, c'est absolument impressionnant. En Angleterre, Love Me Do fut le premier 45 tours et le premier succès des Beatles, bon 17e. Bon, 17e pour un premier 45 tours, c'est quand même plutôt bien. La chanson, tout comme l'image du groupe, fut une bien étrange surprise pour une génération qui avait dû se contenter, durant les trois années précédentes, d'une musique insipide, chantée par des garçons aux cheveux courts et au sourire éclatant. Love Me Do est une composition de jeunesse signée Paul, dont les paroles sont aussi simples que faire se peut. Les mots sont presque tous monosyllabiques, c'est plus difficile à dire qu'à comprendre, et Love est répété 21 fois. Le message est simple, je t'aime, alors aime-moi. Quelque chose différencie pourtant Love Me Do des bluettes adolescentes qui encombraient la radio à l'époque. L'empreinte du gospel dans le chant que souligne l'harmonica de John et l'étonnante mélancolie des harmonies vocales. En 1967, alors que chaque chanson des Beatles était supposée avoir un sens profond et que les quatre musiciens avaient été proclamés porte-parole d'une génération, Paul déclara à Alan Aldridge dans une interview pour l'Observer « Love Me Do est notre plus grand message philosophique parce que, pour être simple et sincère, il faut d'abord être simple ». L'album de la semaine est de retour, 1982, Take It Away, sur l'album Tug of War, Paul McCartney sur RG. Take it away, wanna hear you play till the lights go down. Take it away, don't you wanna stay till there's no one else around. George Harrison en 1981, Teardrops sur l'album Somewhere in England. Il existe deux versions de la pochette de cet album-là. D'abord celle choisie par les producteurs probablement, celle dans laquelle se reflète quand même l'humour britannique de George Harrison, puisque on a l'impression sur la pochette de le voir étendu par terre près d'un caniveau ou d'une route ou quelque chose comme ça. Et en fait, lorsqu'on retourne la pochette, on s'aperçoit que c'était George Harrison posant près d'un tableau qui montre un caniveau, une rue ou quelque chose comme ça. Humour, donc, voilà. Alors que la version qui a été remise après au goût du jour par George Harrison, on voit la tête de George Harrison et l'arrière de ses cheveux forme l'Angleterre, voilà, quelque chose comme ça. C'est donc, là c'est plus humoristique, c'est joli, c'est esthétique. Mais c'est encore un bon album. Il commençait à en avoir un petit peu marre du showbiz. Il en fera encore un dernier en 1982. Et puis il va arrêter 5 ans, lui aussi, juste parce qu'il en a marre. Et il va se consacrer à son jardin, à faire autre chose, à faire des films, notamment pour les Monty Python, produire des films. Et puis il reviendra en 1987 et le reste, c'est de l'histoire.

Beatles par deux fois. Et si on faisait les Beatles par trois fois? Won't you?

vous faire entendre les deux faces de John Lennon, celle hargneuse, Gimme Some Truth, dans laquelle il râle, il hurle, et celle cool, Out the Blue, deux ans plus tard sur l'album Mind Games, dans laquelle il parle de son amour pour Yoko, puisqu'il dit depuis le côté bleu, donc la mer si vous préférez, tu es venu vers moi, blablabla. Enfin bon, belle chanson quand même, voilà. Je vous propose de retrouver les Beatles deux fois. Ah oui, j'ai envie d'être Beatles ce soir. Avec d'abord I'm Me Mine sur l'album Let It Be. Et puis il y aura Across the Universe, mais la version de Glyn John Mix en 1970 sur l'album qui aurait dû s'appeler à l'époque Come Together, non? Get Back, bien sûr, Get Back. Animateur radio, un homme et les auditeurs. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. j'ai parlé de l'album Get Back au lieu de l'album Let It Be, parce que à l'origine, étant donné que depuis 1967, plus ou moins, parce qu'on peut toujours dire que Lennon a encore sorti des traits absolument géniaux comme I'm the Walrus, etc. Mais c'était plutôt Paul McCartney qui poussait les autres à venir en studio, qui avait pris le lead sur le groupe. Et après avoir fait un album très compliqué pour Sgt Pepper, ils ont fait un album simple pour l'album blanc. Et puis l'album suivant, ils ont eu envie de refaire quelque chose comme à leur début, c'est-à-dire juste ce que eux étaient capables d'enregistrer à quatre, sans remettre trois doses de guitare, quatre doses de batterie, cinq chants superposés, des trucs comme ça. Non, ils voulaient la simplicité. En fait, Paul McCartney aura gain de cause en 2003, en sortant l'album Let It Be Naked, qui est la version que lui voulait à l'origine. Est-ce que les autres l'ont voulu? Bon, comme il y a eu des conflits d'intérêts, les trois Beatles ont pris le gars qui, comme le colonel Parker, vous savez, manager, voilà, manager, qui s'appelait Alan Klein et ça plaisait pas à Maca. Lequel a fait des choses bien, il a donné plus de royalties aux Beatles, mais moins bien, il a fait un petit peu n'importe quoi. Résultat, l'album Let It Be est devenu, avec Phil Spector, quelque chose de bien et quelque chose qui est historique. On peut pas dire autre chose. Moi, je l'accepte tel quel. Il y a de très, très beaux morceaux avec un mur de son fait par Phil Spector. Mais ça n'était pas l'album qu'aurait souhaité Paul McCartney. Mais il a eu gain de cause, je le répète. Voici McCartney à nouveau dans l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Tug of War et un nouveau titre, Ballroom Dancing sur RIG. Et nous arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou après en carrière solo. Même si du temps des Beatles ou même en carrière solo, ils reprenaient déjà eux-mêmes une chanson de leur père, par exemple, de quelqu'un d'autre. George Harrison l'a fait avec, par exemple, Baltimore Orioles, qui n'est pas une chanson de lui. John Lennon l'a fait quand il a fait l'album Rock'n'Roll. Bref, voilà. Eh bien, cette chanson, c'est quelqu'un qui la chante, mais qu'elle soit connue ou pas. Là, ce sont deux jeunes filles, il me semble, oui, les Mona Lisa Twins, qui nous ont sorti en 2014 un album qui s'appelle Mona Lisa Twins Sing the Beatles and More. Donc, il n'y a pas que les Beatles. Mais moi, je vous ai proposé une version d'une chanson des Beatles. Cette chanson, c'est This Boy, et c'est sur RIG. Lisa Twins, des habitués des reprises des Beatles. Quelle voix, quelle belle femme aussi, également. Bien, je vous propose à cette heure-ci de faire un petit tour du côté des intelligences artificielles. Je vais vous proposer d'abord la version de Real Love avec John Lennon en voix artificielle. C'est pour vous préparer à la chanson d'après. Voici Real Love sur RIG avec une voix transformée par l'intelligence artificielle pour John Lennon. Ça, c'est la version avec l'intelligence artificielle qui recrée la voix de John Lennon. Et c'est là-dessus que Jill Martin, le fils de George Martin, a appuyé. Il a dit « Non, nous n'avons pas vraiment utilisé de l'intelligence artificielle. Nous avons demandé à la technique de bien séparer la voix de John Lennon. Et il s'agit bien à 100% de la voix de John Lennon que vous entendez sur le 45 tours, enfin sur le 45 tours, sur le single Now and Then. Il y a donc les quatre Beatles, John Lennon avec une voix cristalline, alors que sur l'enregistrement cassette qu'il avait, la voix n'était pas vraiment cristalline, donc on a enlevé toutes les petites incorrections. Et il y a eu la guitare faite en 1995 par George Harrison et l'ajout de la batterie et de la basse par Paul McCartney et par Ringo Starr en 2022, puisqu'ils s'en sont occupés en 2022. Voici la chanson Now and Then avec une voix de John Lennon qui n'est pas trafiquée par l'intelligence artificielle. Oui, comprenez ce que je veux dire, j'espère. One, two. Thank you. également, ils ont fait comme pour l'album Love, ils ont repris les Beatles qui faisaient des chœurs sur Because, par exemple, sur Here, There, Everywhere, il me semble, et puis sur une autre chanson, et ils les ont coupés au moment où il fallait, de façon à ce que ça suive une ligne mélodique. Et également, il y a eu des cordes, des violons, etc., qui ont été enregistrés avec ce petit truc amusant. Ils ont fait croire à ceux qui étaient venus pour la séance d'enregistrement qu'il s'agissait d'un prochain truc pour McCartney, d'une prochaine chanson de McCartney. Et donc, pas du tout du Real, pas du Real Love, mais du Now and Then que beaucoup attendaient. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut dire sur cette chanson-là, d'abord, plus je l'écoute, plus je l'aime, cette chanson-là, cette version qu'ils ont sortie, je la trouve vraiment très très bonne. Mais on peut mettre un tout petit bémol, et encore il est léger, parce que la version telle qu'elle est sortie, elle est complète, elle est bien, mais il manquait une petite section qu'avait fait John Lennon dans sa démo. La petite section est enlevable, c'est vrai, parce qu'elle n'a pas complètement un rapport avec le reste. Le reste, Now and Then, on pense que c'est John Lennon qui a certainement fait un appel du pied à ses potes en disant « vous me manquez les gars ». Et si on rajoute la petite section, ça n'a plus tout à fait le même sens. Mais les internautes sont ce qu'ils sont. Et les internautes ont remis cette section dans la chanson officielle des Beatles. Ça donne une nouvelle chanson avec un petit peu peut-être de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas trop là. Mais en tout cas, une chanson trafiquée par les internautes. Voici la version avec la remise en place de la petite section qu'il manque sur RIG. C'est une exclusivité, bien sûr. So versions sont sympas, mais je serais tenté de dire que la petite section qui manque ferait plus un message d'amour entre un homme et une femme, par exemple, si tu pars, etc., blablabla. Alors que en enlevant cette partie-là, ça fait plus un truc d'amitié entre quatre potes qui ont été les Beatles et à qui chacun manque, quoi. Hein ? Bon. Allez, on retrouve l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Tug of War par Paul McCartney en 1982. Et voici la superbe chanson Wanderlust sur RIG. Dans la saga des Fab Four. en 1974 sur l'album Walls and Bridges. D'une façon tout à fait significative, le sombre Scared débute par un hurlement d'un loup. En un sens, John est un timide voyageur dans une nature sauvage éclairée par la lune. Mais d'un autre côté, il est lui-même une sorte de loup-garou possédé par des pulsions qu'il ne peut contrôler. La chanson avance au rythme d'une marche menaçante qui crée un sentiment de tension sous-jacente et d'effroyable fatalité. John lui-même voyait Scared comme l'expression de ses propres terreurs dans la tradition de Help. Il confirma le lien entre les deux chansons lorsqu'il joua pour la première fois Scared devant May Peng, sa petite amie du temps où il était dans le Lost Weekend, vous savez, quand il s'était séparé de Yoko Ono. De tous les vieux succès des Beatles, lui fit-il remarquer, Help était son préféré et il envisageait de le réenregistrer un jour dans le style de Scared. Après les bonnes résolutions de Bless You, une autre chanson sur l'album, la jalousie lui ronge une nouvelle fois le cœur. Il ressent également de la haine et jette un regard sans indulgence sur lui-même, l'homme qui chante l'amour et la paix alors que son cœur n'est qu'un amas de sentiments négatifs. Cette chanson est brillante et fait froid dans le dos, mais elle n'est pas pour autant dénuée de théâtralité, et seule la sincérité de l'interprétation de John l'empêche de tomber dans le mélodrame. Une version moins assurée, et donc peut-être plus blême encore, se trouve sur Men Love Avenue. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson. Et on retrouve les Beatles sur RIG. C'est la radio des Beatles. Entre 20h et 22h, et même, je vous le dis, c'est mon petit doigt qui me le dit, on va prolonger un petit peu ce soir. Old Brown Shoe, George Harrison et les Beatles, sur RIG. Let's go. Enregistré à deux, John et Paul. Paul à la batterie, à la basse, il me semble aussi, et puis John fait le reste, ainsi que Paul. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que ils se sont adressés eux-mêmes plus vite, Ringo, vas-y, George, à toi, Joe et George, etc. On l'entend sur le Deluxe, l'album Deluxe. Là, j'ai pas voulu vous passer cette version-là. J'ai voulu vous passer la version du 45 tours. J'ai retourné le 45 tours, comme l'a dit Stella, je crois, sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Bref, où en sommes-nous? Ah oui, je voulais rajouter un truc sur cette chanson de Ballad of John and Yoko. Quand même, nous sommes en 1969, et 3 ans auparavant, John Lennon avait dit « Je pense que nous sommes plus célèbres que Jésus-Christ, etc. etc. » Et ça s'était très très mal passé aux États-Unis notamment. Ils sont très très croyants et qui ne supportent pas qu'on dise des choses comme ça. Et 3 ans après, il dit, dans le refrain, « De la façon dont vont les choses, je pense qu'ils vont me crucifier. » Il en remet une couche, il peut pas s'en empêcher, John Lennon. Néanmoins, la chanson est très très bien. Ne bougez pas, George Harrison arrive dans la saga des Fab Four. Oui, avec une chanson particulière. Vous allez entendre le premier appareil qui fait des bulles. C'est pas la plus grande chanson de George Harrison. C'était en 1974 sur l'album Dark Horse. Et à la fin, il se laisse aller avec cette chanson-là, Jai Shri Krishna. Donc la preuve qu'il était un petit peu spirituel. C'est du spiritisme. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Mais moi, ce qui me fait rire dans cette chanson, c'est le boubouboubouboubouboubou qu'on entend continuellement sur la fin. Moi, je trouve ça rigolo. Bon, mais je dois avouer que je ne l'écoute pas souvent. Et je ne la passe pas souvent non plus parce que il y a mieux. Il y a mieux comme celle-ci, par exemple. Deux chansons sur l'album de la semaine, sur l'album Tug of War, ont été coécrites par Stevie Wonder et Paul McCartney. Je pense que Ebony and Ivory, celle que nous connaissons, a été écrite plus dans le style de McCartney. Et What's That You're Doing, que vous allez entendre dans quelques secondes, a été plus écrite dans le style de Stevie Wonder. Voici cette chanson-là. C'est plutôt sympa. Good morning. Mettez le son très très fort. Vous êtes sur RIG, c'est la saga des Fab Four. Oh, good afternoon. Good night. Yeah. rendez compte que j'aurais pu lancer le générique maintenant et être avec mon retard habituel? Eh bien non, Eric n'est pas là ce soir, donc on continue. Can you imagine all those girls are strolling? All the boys are holding. They're doing their best to make it through another LA night. In a picture show night. In their own little world. In their own little space. All the girls are smiling. All the boys are trying. Anything they can take to put away another LA night. In a picture show light. Can you imagine all those girls are strolling? En 1983, Picture Show Life. J'adore cette chanson. On continue avec Ringo Starr. Nous sommes en 1992 sur son meilleur album depuis longtemps, Time Takes Time. Je vous propose, il me semble que c'est une reprise, I Don't Believe You sur RIG dans la saga des Fab Four. Don't believe you.

En 1975 sur l'album Extra Texture, Read All About It. Cette chanson s'appelle World of Stone. Oui, elle est bien. On aurait peut-être pu figurer sur un album des Beatles, pourquoi pas. D'ailleurs, puisqu'on parle des Beatles, les voici par deux fois sur l'album blanc. La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Why, baby, cry? Make your mother sad. She's holding enough to know better. The king of Marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry, make another sigh. Picking flowers for a friend who came to play. The queen was in the playroom painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better. She's cry, baby, cry. The Duchess of Kikardi smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with a message at the local burglary. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better. She's cry, baby, cry. For a seance in the dark, with voices out of nowhere put on specially by the children. Petit tour, mais vraiment dernier, sur l'album de la semaine. Je vous ai parlé tout à l'heure de deux chansons composées et chantées par Stevie Wonder et Paul McCartney. Et voici la deuxième, Ebony and Ivory, sur RIG.

pris l'émission tout seul, sans Eric derrière, je me suis dit, je vais aller jusqu'à 22h30 et du coup, je rentre en retard. Bah oui, on est en retard. Il est 22h30 et je mets seulement le générique maintenant. Bon, c'est pas grave. Merci en tout cas d'être resté aussi longtemps pour cette émission-là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouvelles aventures. Merci à toutes et à tous. Vous êtes vraiment formidables parce que je fais cette émission même quand je suis fatigué, parce que je sais que vous êtes là. À très bientôt. Salut.